Ce test permet d'évaluer. Question 1. La signalisation indique une limitation de vitesse, réponse A. Une interdiction de dépasser, réponse B. Une route à caractère prioritaire, réponse C. Une intersection, réponse D.